fit tout seul à hausser les épaules. Ce ne fut pas long, mes petits enfants, poursuivit Simon le Prieur. Le Breton commençait à naver dévotement, parce qu'il se reconnaissait en faute pour s'être mis sous une protection autre que celle de la Vierge Marie, lorsqu'il sentit un grand choc. C'était le cheval noir qui prenait pied sur le rocher du mont. Le Breton rouvrit les yeux. La fée se balançait comme une vapeur au rayon de la lune. Elle se jeta tête première dans la mer bleue, qui rendit des étincelles. Le chevalier Breton passa la nuit en prière dans la chapelle du couvent. Le lendemain, au bas de l'eau, il vit arriver le fin Normand par la route de Pont-Aubeau. Le Normand donna ses 100 sous de la monnaie de roi et ses 3 écus royaux, bien à contre-cœur. Quant aux Français, Satan sait de ses nouvelles. Voilà ce que c'est, mes petits enfants. Tout est vrai, comme ma mère me l'a dit. N-I-N-I, j'ai fini. Il y eut une bruyante explosion parce que chacun avait retenu 100 sous. Les observations se croisèrent. Les langues des 4 gotons surtout, trop longtemps immobiles, avaient absolument besoin de fonctionner. « Oh, Jésus-Dieu !» s'écria Goton le cerf. « Le pauvre Français fut bien puni tout de même. »« Pourquoi chantait-il les vêpres, Luronne ?» riposta Goton le gris. « Et le Normand ?» reprit Goton le noir. « Ah, dame !» conclut Goton le doux. « Le Normand fut dindon, ça c'est vrai, et bien fait. » Et chacun de rire. Pourquoi rit-on toujours quand un Normand se casse le cou? Maître Gueffès haussa encore les épaules. Et vous allez mettre à présent une bonne écuellée de gruau sur le pas de votre porte, n'est-ce pas, dame Fanchon? Dit-il d'un air narquois. Oui, maître Gueffès, répondit la ménagère, qui ajouta en s'adressant à Simonette. Tiens, fillette, porte la part de la bonne fée. Simonette prit l'écuelle fumante et la déposa sur le pas de la porte en dehors. Et vous croyez que la fée va venir lécher votre écuelle? Dit encore maître Gueffès, la mâchoire sceptique. Si je le crois, s'écria Fanchon scandalisé. Qui ne le croirait? Demanda Simon le Prieur. Nos pères et nos mères l'ont bien cru avant nous. Vos pères et vos mères, répliqua Gueffès, perdaient leur bouillie, vous aussi. C'est pitié de voir jeter ainsi de bonne farine à la gloutonnerie des vagabonds ou des chiens égarés. « Si on peut parler comme ça !» s'écrièrent les 4 gotons, tout d'une voix. Les 4 Mathurins agitèrent en eux-mêmes la question de savoir s'il n'était pas convenable et opportun de jeter le vilain Gueffès dans la mare. « Moi, je vous dis, reprit Gueffès, qu'il n'y a pas plus de fées dans les grèves que dans le creux de ma main. Quelqu'un de vous l'a-t-il vu ?» Cette question fut faite d'un ton de triomphe. On se regarda à la ronde, un peu déconcerté. « Vous voyez bien, » commença maître Gueffès. Mais il fut interrompu par le petit Jeannin, qui dit d'une voix ferme et claire. « Moi, je l'ai vu,